cinquantaine d'hommes cagoulés ont réussi à casser le rideau de fer et à pénétrer dans l'immeuble. Quand les policiers arrivent, ils ont déjà pris la fuite. Restent les gardiens, encore terrifiés par l'attaque. Comment, 6 heures ? Bonjour à toutes et à tous, bon réveil. Si vous nous rejoignez à l'instant, un autre jour est possible, votre réveil culturel avec, vous le savez, une tête chercheuse par semaine. Et depuis lundi, c'est le sociologue Karim Amou qui nous parle de la Seine-Saint-Denis à travers les expressions des rappeurs. Et en deuxième partie, un invité de l'actualité culturelle. Et aujourd'hui, c'est une invitée, Anne Dufour-Mantel, qui viendra clore notre mini-série des premiers romans de la rentrée qu'on a sélectionné pour vous. L'Envers du Feu a été édité par Albin Michel. Elle sera avec nous aux alentours de 6h20. Merci de votre fidélité, de vos retours, critiques et suggestions que nous publions à la page de l'émission disponible en quelques clics sur franceculture.fr. Nous sommes le jeudi 5 novembre 2015. C'est parti. C'est de la bombe, bébé. Saint-Denis, ville sans égal. Saint-Denis, ma capitale. Saint-Denis, ville peu banale. Saint-Denis, sous mon congé des bambas, la base de pop, pop, pop, pop. Et pour le hip-hop, je développe. Bonjour, Karim Amou. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous travaillez au CNRS, je le rappelle, et depuis lundi, vous êtes avec nous pour nous parler de la Seine-Saint-Denis à partir des textes, mais aussi des styles de rap et de rappeur. On va parler d'une mémoire ouvrière dans la Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est présente? Elle me paraît bel et bien présente, notamment au travers de la chanson qu'on va écouter aujourd'hui, un morceau du groupe La Canaille qui s'intitule Redéfinition, et elle est présente dans les nombreux conflits sociaux qui continuent d'émailler la vie en Seine-Saint-Denis comme dans l'ensemble de la France, et effectivement, on n'en entend pas forcément autant parler que d'autres choses, mais les luttes sociales, les luttes ouvrières et les luttes pour les conditions de travail sont une constante des résistances des classes populaires. Bref, la classe ouvrière n'a pas disparu. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a une mémoire des luttes ouvrières? Parce que la Seine-Saint-Denis, c'est aussi tout un passé où les ouvriers étaient présents, ils luttaient avec des syndicats très puissants. Oui, c'est une histoire des luttes ouvrières. C'est le passage emblématique dans les représentations, comme l'a montré l'historienne Annie Fourcault, des banlieues noires de la zone aux banlieues rouges à partir des années 1920, avec la conquête du pouvoir municipal par un certain nombre de maires communistes. Et donc, c'est tout l'imaginaire de banlieue populaire gouvernée par un parti communiste fort et portant des revendications pour la classe ouvrière. Le sens de ma question, Karim Amou, c'est où sont-ils passés, ces grands leaders des luttes sociales, des luttes de la classe ouvrière? Alors, les leaders des luttes sociales ne sont pas ceux qu'on voit aux élections, forcément aux élections. C'est-à-dire que le fait marquant de l'évolution du vote en milieu populaire, c'est moins l'émergence d'un vote Front National important qu'en fait une abstention qui est vraiment spectaculaire, et une abstention qui est d'autant plus spectaculaire dans les quartiers populaires de la banlieue parisienne ou de la Seine-Saint-Denis ou des quartiers nord de Marseille. Donc on a cette abstention qui signe une désaffection des classes populaires vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique et des recherches de renouvellement de cette classe politique qui tarde à venir. Mais si on parle de lutte ouvrière, on parle pas en premier lieu d'élection, on parle bien de conflits sociaux, on parle de lutte de travailleurs sans papier, on parle de mobilisation autour du droit du travail, et sur tous ces fronts-là, les luttes ne manquent pas et elles sont bien menées, notamment par des héritiers de ces luttes ouvrières qui s'organisent indépendamment des organisations politiques ou syndicales, ou qui s'appuient sur des syndicats comme la CGT, etc. C'est de la bombe, bébé. les rappeurs ne sont pas majoritairement dans l'ensemble des témoins privilégiés d'une mémoire des luttes ouvrières. Et en même temps, on a une présence d'une conscience d'appartenir aux classes populaires qui est elle bien présente et bien prégnante. Et c'est là que certains rappeurs, certaines figures du monde du rap, on peut penser à La Rumeur, on peut penser à Kazé aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais il y a bien d'autres groupes. Et il y a notamment ce groupe, La Canaille, qui propose une redéfinition d'une chanson du 19e siècle qui s'intitulait La Canaille, justement. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire, avant d'entendre un extrait, de ce texte de La Canaille ? Oui, tout à fait. Donc, le premier couplet, c'est un cri qui sort de nulle part, une aberration, une scie pour une évasion. C'est un tambour, un tam-tam, un boucan de tous les diables, c'est un ram-dam, c'est un râle d'homme, un râle-bol, une bouteille du tissu et de l'alcool. C'est un fond de dalle et un calvaire, la gueule du sauvageon qui veut pas se taire. C'est une espèce tenace, une promesse, mieux, une menace. C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit. C'est cette plume qui rentre au pays, la boule au ventre de colère et le changement d'attitude qui s'opère. C'est un chant qui porte la résistance en lui. C'est la canaille, et bien j'en suis. C'est un cri qui sort de nulle part, une aberration, une scie pour une évasion. C'est un tambour, un tam-tam, un boucan pour les diables. C'est un ram-dam, c'est un râle d'homme, un râle-bol, une bouteille de tissu et de l'alcool. C'est un fontal, un calvaire, la gueule du sauvageon qui veut pas se taire. C'est une espèce tenace, une promesse, mieux, une menace. C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit. C'est cette plume qui rentre au pays, la boule au ventre de colère et le changement d'attitude qui s'opère. C'est un chant qui porte la résistance en lui. C'est la canaille, et bien j'en suis. Cette chanson, la canaille du 19e siècle, écrite sous le Second Empire, c'est aussi une chanson qui prenait un sens particulier après la défaite de 1870 face aux Allemands. C'était aussi une chanson patriote, une chanson qui cherchait à mettre en avant un nous français contre des étrangers qui menaçaient cette commune de Paris. Et puis c'était évidemment aussi le tiers qui menait la répression contre la commune de Paris. Mais donc il y a vraiment une façon de redéfinir le chant du 19e siècle et en même temps de s'inscrire dans sa filiation. Donc c'est une redéfinition au sens fort du terme. Et moi, je trouve cette chanson aussi très intéressante parce que c'est aussi une chanson qui s'ancre dans une esthétique hip-hop par les interventions de DJ Fab qui pose des scratchs sur ce morceau. Et puis c'est aussi un morceau qui, en termes de composition instrumentale, est un morceau épique, un morceau qui a vraiment un souffle. Et c'est une constante dans le rap français d'avoir régulièrement des morceaux comme ça qu'on peut décrire comme épiques, qui cherchent à porter une énergie de cet ordre-là par le biais d'une composition musicale orchestrale. Est-ce qu'on peut parler de phénomène d'identification ou de récupération ou d'appropriation de cet épisode de l'histoire ? C'est totalement une appropriation. Je pense qu'il faut parler d'appropriation parce que c'est aussi en ces termes-là que le groupe de rap La Canaille pense son morceau. Ce n'est pas une reprise, ce n'est pas une citation, c'est une redéfinition. Alors, que sait-on sur La Canaille, sur ce groupe ? Bah, c'est un groupe qui a déjà beaucoup d'albums à son actif, qui évolue en marge du monde du rap le plus visible. C'est un groupe de rap dont on entend tout de suite que l'esthétique est assez éloignée de celle d'un Sefiu, par exemple, qu'on a pu écouter hier. Et en même temps, c'est une constante dans le rap français que d'avoir des groupes comme La Canaille qui finalement portent des paroles engagées à l'extrême gauche plus classique que ce que le rap français majoritaire peut offrir comme œuvre. Au niveau de certaines fractions du monde du rap, de certains groupes particulièrement engagés, particulièrement politisés, notamment à l'extrême gauche, on a bien des rapprochements, mais moins avec des partis politiques la plupart du temps qu'avec des mouvements sociaux, des luttes, des associations. Pendant les années 90, il y avait un rapprochement fort entre certains groupes et le MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues qui s'était opéré. Et aujourd'hui, on a tout un ensemble de luttes menées par des leaders qui peuvent être des leaders associatifs qui effectivement rencontrent certains rappeurs dans leur trajectoire, dans leur parcours et avec qui il y a des échanges qui sont pleinement politiques, qui se produisent. Et puisqu'on parle des mémoires de luttes ouvrières, Karim Amou, en début de semaine, je pense même que c'était le deuxième épisode, il y avait donc ce rap concernant le monde du travail, avec cette rappeuse qui refusait cette logique du travail, comme si elle refusait l'assignation à une classe prolétaire ou même ouvrière et rêver d'un autre monde. C'est une tension qui finalement est présente dans l'ensemble de l'histoire des rapports sociaux de classe. C'est à la fois une identification à une condition, la condition d'appartenir à une classe ouvrière, une classe populaire, voire un prolétariat, et à la fois la volonté, de par la lutte sociale, d'abolir l'existence de cette classe prolétaire. Donc cette tension, elle est en réalité au cœur des luttes sociales, et elle s'incarne particulièrement dans une œuvre comme celle de Lauréa, qui est une œuvre artistique, en portant ce que des sociologues comme Luc Boltanski et Eve Capello ont appelé la critique artiste du travail. Merci Karim Amou, on se retrouve demain pour le dernier épisode de cette série consacrée à la Seine-Saint-Denis, et demain on parlera de mémoire ou de mémoire au pluriel des migrations. Ouais, c'est ce phare qui brille dans la nuit. C'est la canaille, et bien j'en suis. C'est la larve d'un volcan qui se réveille. C'est la vague qui te balaye, c'est le vent. Un vent d'humanité. On veut la justice, pas la charité. Au nom du merveilleux de ses yeux écarquillés. Au nom de la beauté de nos rêves éparpillés. C'est de l'amour, ouais de l'amour à revendre. À réduire un système en cendres. C'est une armée, c'est une légion. International et la pression. C'est plus haut que les frontières et les barbelés. C'est des mots pour marteler. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Et c'est vieux comme le feu. C'est la lutte comme un rempart à l'ennui. C'est la canaille et bien j'en suis, dis-le. C'est la canaille et bien j'en suis, dis-le. C'est la canaille et bien j'en suis, file. C'est la canaille et bien j'en suis, file. C'est la canaille et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille et bien j'en suis, sois-le. C'est la canaille et bien j'en suis, sois-le. Et bien j'en suis. Et bien j'en suis. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Bonjour Anne Dufour-Mantel. Bonjour. En tant que philosophe et psychanalyste, vous avez déjà publié plusieurs ouvrages, mais le dernier en date, L'Envers du Feu, aux éditions Albin Michel, est votre premier roman, une fiction, mais alors totalement inscrite dans votre pratique de tous les jours, car il s'agit d'un thriller psychanalytique avec une intrigue qui en cache d'autres. Une femme meurt subitement, violemment, mystérieusement, lors d'une fête d'un fin de semestre dans une université américaine. Est-ce un suicide ? Alexis, qui avait remarqué cette femme sans doute d'origine russe comme lui, va tout laisser tomber pour prendre le bateau et enquêter, sans trop savoir pourquoi, sur le passé de la défunte. L'enquête d'Alexis, votre personnage central, Anne Dufour-Mantel, est accompagnée, pour ne pas dire nourrie, par une quête sur lui-même. Et ce roman, qui nous fait voyager de Brooklyn, New York, jusqu'au Caucase, a pour épicentre un cabinet parisien, rue Galande. 12 jours durant, Alexis va se livrer à sa psy. C'est une plongée intense. Oui, je pense que c'est quelque chose que j'aurais souhaité faire en tant qu'analyste. Retrouver l'intensité des débuts de la psychanalyse, puisqu'après tout, Freud, on l'ignore parfois, prenait ses patients 6 mois, pas plus, leur demandait de quitter leur famille, de venir à l'hôtel près de chez lui, parfois même en villégiature avec sa famille, et les prenait tous les matins ou tous les après-midi, sauf le dimanche. Donc il y avait l'idée quand même de changer sa vie, ou tout du moins de la soumettre à un examen très intense. Et je trouve qu'aujourd'hui, on place un peu le rendez-vous chez le psychanalyste entre le coiffeur et le dentiste, ou entre d'autres rendez-vous qui en amenuisent le sens, la portée, l'ampleur, alors que paradoxalement, toute la société s'est psychologisée énormément. Donc l'idée de cette intensité me plaisait, ça n'est pas ce pourquoi j'écris ce roman, mais je dois dire qu'il y avait un côté laboratoire expérimental qui m'a fait écrire. Qu'offre la fiction de plus à votre travail de praticienne ? Alors je le dirais à l'envers, c'est-à-dire que la fiction est ce qui a le plus nourri mon travail de clinicienne. C'est-à-dire que je dirais que ce qui me fait devenir analyste chaque jour, ce sont d'abord les patients et ensuite la littérature, loin devant Freud et les écrits psychanalytiques, les plus géniaux soient-ils. Quel genre de littérature ? Alors je dirais la littérature russe, en tout cas pour moi en premier lieu, c'est-à-dire déjà avec Dostoïevski, Tolstoï et Gogol, je pense que l'âme humaine est à peu près radiographiée, Mais j'avoue que Proust, Virginia Woolf et les romans américains que j'aime beaucoup. Je saurais pas décrire un territoire en particulier, mais ce que je sais, c'est que ça a vraiment, vraiment nourri ma clinique et ma passion pour l'âme humaine et les récits. Et comme je pense que, au fond, nos souvenirs sont notre mémoire est entièrement tramée de récits. Nous nous faisons des scénarios. Mais êtes-vous arrivé à être philosophe et psychanalyste par la littérature? Je dirais que oui. Je n'ai pas osé l'aborder de front. Je pense que c'était ma passion principale, mais que me sentant très surplombée par ce grand œuvre qu'est la littérature, d'ailleurs là non plus, je biaise en quelque sorte puisque j'écris un polar, mais c'est vraiment ça qui était l'axe dans ma vie. Après, le questionnement philosophique me passionne parce qu'il est un questionnement sans fin, mais aussi transversal. Enfin, et ce qui m'a passionné, continue de me passionner depuis 25 ans dans mon métier, c'est l'écoute des errements de l'âme humaine, de son destin, du rapport entre la liberté et la fatalité. Voilà, je crois que ça me fascine. Parlez-nous de votre personnage, du personnage de votre premier roman, ça on peut le dire, c'est un roman, L'Envers du Feu, Alexis. Alors Alexei, mon éditrice m'a dit à un moment donné, mais c'est un peu un anti-héros, il ne choisit qu'à la fin, il se laisse embarquer par la violence des événements, et il fait des rencontres étonnantes, une chamane, une analyste, un ami. Je crois que c'était plus facile peut-être pour moi, pour l'écarter de l'égo-psychologie. Et puis c'est assez jouissif de transporter quand on est une femme dans la peau d'un homme. Donc ça, j'y ai cédé. Et puis je crois aussi que, ayant vécu dans un milieu un peu cosmopolite, marqué par l'exil, j'ai d'ailleurs appris qu'on avait des origines caucasiennes, mais ça je ne le savais pas en commençant ce roman, ça c'est pour la petite histoire, je crois que ce voyage, cette en forme d'initiation, mais qui passe aussi par des territoires et par un homme qui est en quête à la fois de son identité et de l'élucidation du destin d'une femme dont il est tombé amoureux, est au plus près de ce qui me constitue. Alors c'est une enquête autour de cette femme disparue, c'est une enquête avec tous les codes d'ailleurs du thriller, hein. Ne serait-ce que pour le mot échangé, qu'est-ce qui veut dire ce Vushenko qui a un rôle très important dans le dispositif narratif de ce thriller, mais c'est aussi, ou du moins c'est, je l'ai lu ainsi parce que c'est peut-être l'époque qui a fait que je l'ai reçu comme un livre sur l'identité, sur la quête des identités perdues. Oui, je crois que il y a quelque chose qui, je crois, m'a beaucoup travaillé dans qui est-on vraiment ? Et est-ce qu'on peut jamais connaître quelqu'un ? Il y a toute une sorte de réflexion, enfin en tout cas d'interrogation sur le mensonge, le semblant, la vérité. Est-ce qu'une personne paraît qui elle est ? En quoi son passé recèle ou cache quelque chose qui va la transformer à nos yeux ? Est-ce que les identités sont une ou multiples ? Moi, je pense qu'on est des maisons hantées, tout un chacun. Et certainement que ce livre vient tourner sans cesse autour de cette question de l'identité impossible ou perdue. Et votre personnage, qui est un Américain d'origine russe, pourquoi vous avez tenu à ce qu'il vienne raconter sa vie à Paris ? Pourquoi ce passage par Paris ? Je crois que, alors, en fait, techniquement, j'ai commencé à écrire ce livre en anglais. C'est-à-dire que mon père est anglais et j'ai été élevée dans les deux langues. Et je pense que la littérature m'impressionnant beaucoup, j'ai trouvé une tangente, voilà, en écrivant l'histoire d'Alexei, de ce personnage qui part de Brooklyn où j'ai vécu, en fait, jusque dans le Caucase. Et puis je me suis dit non, mais il faut quand même écrire dans sa langue maternelle, c'est ta langue, c'est le français. Donc j'allais pas me traduire. C'était absurde. Donc j'ai essayé de trouver un autre dispositif. Et là, j'ai voilà, je suis revenue à ce qui aussi fait mes jours et qui sont l'analyse. Est apparu ce personnage de l'analyste qui n'est pas moi, mais qui bon est proche, parce que je pense aussi que on écrit un peu à l'aveuglette, même si on a une idée du récit et de ce qu'on veut dire. Et je crois que les personnages parfois vous parlent et imposent leur réalité. Et ce sont bien sûr les séances de votre personnage, les 12 séances intensives qui construisent votre roman. Il est construit comme ça, Annie Fourmentel. Oui, alors j'ai trouvé, il fallait que le personnage racontant son histoire ne nous dise pas tout d'emblée. Donc, il a dit à la psychanalyste qu'il allait lui venir pas à pas à ce qui le faisait arriver, c'est-à-dire élucider une énigme chez elle. Parce qu'en principe, comme on le sait, les analystes se font dans une sorte d'association libre, un peu sans ordre temporel. Donc, il fallait que je trouve un procédé. Et aussi, l'analyste demande au patient de parler au présent. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais volontiers parce que il y a dans l'analyse quelque chose d'assez magique qui est le rapport entre le temps de la conscience, on est tout le temps dans le temps, consciemment, et le hors-temps de l'inconscient, qui, lui, est au présent en tout point du temps. Un trauma d'hier peut être pour l'inconscient aussi actuel que ce qui vous est survenu hier. Anne Dufourmentel, est-ce que ce personnage, parce qu'il est américain d'origine russe, correspondait aussi au type de patient que peut avoir une psy? Alors, j'ai pas du tout eu ce type de patient-là. Pas non, aussi. Mais je veux dire, est-ce que c'est culturel? Est-ce que si le patient était belge d'origine congolaise, oui, bien italien sûr. D'origine libyenne, est-ce que oui? Bien sûr, je pense que, alors là, je suis d'accord avec Toby Nathan, je pense que les cultures dont on vient, les langues qui nous ont façonné, l'imaginaire n'est pas le même et qu'il faut vraiment être à l'écoute de toutes ces singularités. Ouais. Mais lui, il préconise un autre dispositif. C'est-à-dire? C'est plus le divan, c'est plus la rencontre, mais c'est... Ah oui, oui, il souhaiterait autre chose. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce qui m'intéresse, c'est les bordures, en fait. Les espaces, parfois, où ça transgresse, où ça n'est pas exactement dans les clous, où les choses risquent de basculer et quand même sont en même temps tenues. Et j'explore ça aussi dans ce roman. De même que, par exemple, la question de la disparition. Alors là, c'est peut-être une question plus contemporaine, mais qu'est-ce qu'un hacker aujourd'hui? Est-ce qu'on peut disparaître à notre époque pendant 9 ou 10 ans sans qu'on s'en rende compte? Ce sont des questions que j'ai rencontrées un peu en marge de ma pratique, mais qui m'interrogent sur le rapport au secret ou à l'exposition de nos jours. Quand j'enseignais à l'université américaine, là, j'avais une collègue qui avait été harcelée par un... Elle ne savait pas par qui à l'époque. Et un des étudiants qui était un hacker, en fait, lui a dit « Mais si tu veux, je te retrouve la personne, je te débarrasse. » Et elle allait pour lui donner ses codes secrets. Il lui a rionné. Il lui a dit « Non, mais heureusement que je n'ai pas besoin de tes codes. » Et donc, ça m'a marqué parce que je me suis dit « Voilà, on est dans un autre... » On est dans un univers vraiment qui est en métamorphose aujourd'hui et où toutes les frontières privées, publiques, secrets sont en train de se déplacer. Enquête et quête d'identité, semblant et faux semblant, c'est un roman contemporain avec des hackers. Vous faites bien de le rappeler parce qu'il marque bien l'époque et puis qui évoque aussi les malaises identitaires modernes. Pour terminer, l'envers du feu, pourquoi le feu ? Vouchenko? Je crois que le feu est vraiment quelque chose qui me fascine. Je pense qu'il renvoie à, sans doute à un traumatisme en partie vécu, où j'ai été prise dans un feu quand j'avais 11 ans, dans une maison dans le sud. Et bon, heureusement, il n'y a pas eu de dommages, mais c'est vraiment, ça a été très très près. Et je crois que depuis ce temps... Je pense que l'évaluation de ce que signifie le feu comme élément et de ce que signifie un danger qu'on ne perçoit pas nécessairement le temps qu'il arrive sur vous, etc. a certainement été un peu le noyau. Et ça a commencé, comme dans le roman, par un rêve. Anne Dufour-Mantel pour L'Envers du Feu. C'est avec votre roman édité chez Albin Michel qu'on termine notre sélection des premiers romans de la rentrée. Et pour terminer, le questionnaire de fin d'émission, ce n'est pas une séance de psy, mais des fois ça y ressemble. Ça dépend des 3 questions tirées par vous-même d'ailleurs sur la douzaine qui est proposée à tous les invités du matin. Ouais, à vous de jouer. Alors, quel est le plus tenace de vos souvenirs d'enfance ? Ça n'est pas un souvenir, c'est un état. C'est l'émerveillement, la stupeur. Je crois que j'en revenais pas de ce que la réalité soit ce qu'elle était. J'étais souvent dans un état de stupeur. À qui pensez-vous le plus en ce moment ? À mon amoureux. Qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé ? C'est plus difficile. Peut-être parce que je ne suis pas très nostalgique. La douceur. La douceur, quelle douceur ? La douceur, quand on est enfant, je pense, peut se confondre avec une sorte d'état infini qui n'aurait pas de fin. Je pense qu'on se... Il y a des moments, pas tout le temps, évidemment, mais on se love dans des états entre la veille et le sommeil, dans des rêveries, on a une sorte de disposition à la liberté ou au temps libre qui garde une immense douceur. Et ça se termine à quel âge ? Je pense qu'idéalement ça se termine pas, mais c'est peut-être plus discontinu, plus bref, plus menacé. Merci d'être passé ce matin. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine, de 6h à 6h30, et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée par Pascaline Bonnet. Prise de son Claude Niort, réalisation Thomas Duterre. Merci Anne Dufour-Mantel. On se retrouve demain. Demain, en première partie, nous continuerons avec Karim Amou à parler de la Seine-Saint-Denis, point de vue râpé. Demain, c'est le 5e et dernier épisode. Et en deuxième partie, l'actualité de la bande dessinée, comme tous les vendredis. Merci, bonne journée. Merci à vous.